The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Nous recevons donc Véronique Servat et Étienne Aulis, co-auteurs, parmi quatre auteurs, d'un livre qui s'appelle En lutte, carnet de chant, paru aux éditions du Détour. Alors, ce livre ressemble à 24 chansons qui font partie du paysage militant français maintenant depuis, pour remonter à la Révolution française, pour remonter à la Marseillaise. Alors, tous les deux, vous êtes historiens. Histoire géo, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Véronique, vous êtes spécialiste de l'histoire des sciences sociales des mondes contemporains au CNRS ? Pas tout à fait. Alors comment on peut intituler ça ? En fait, j'ai soutenu une thèse sur les arts reproductifs, donc je suis plutôt une spécialiste plutôt effectivement du monde de l'histoire très contemporaine, mais plutôt des médias et des musiques populaires. D'accord, donc la musique et la chanson, dès le départ, c'est quelque chose qui vous attirait. Oui, on va dire ça. D'accord. Étienne, vous êtes prof d'histoire géo, donc vous animez un blog qui s'appelle East Geobox. C'est ça, alors c'est un blog qu'on anime tous les quatre, hein, qui a été créé il y a maintenant de ça une quinzaine d'années par Julien Blottière, un des quatre auteurs. Donc le principe c'était de prendre pour prétexte les chansons, les musiques, pour aborder des aspects du programme d'histoire et de géographie au collège, au lycée, puisque c'est là qu'on enseigne tous les quatre. D'accord, donc la musique et la chanson sont des matériaux, des outils que vous utilisez au quotidien dans votre pratique d'enseignant, qui sont très présents. Alors au quotidien c'est peut-être aller trop loin, c'est-à-dire que on a aussi beaucoup, enfin voilà, on essaye autant que possible d'utiliser ce matériau très riche et cette manière aussi de toucher les élèves ou de capter l'attention des élèves, et puis une fois que les élèves le comprennent, en fait eux-mêmes vont rentrer dans cette logique-là, vont nous proposer des chansons, vont nous faire découvrir des choses. Voilà, on est d'une génération, peut-être moins à la page aussi sur certaines musiques, donc c'est aussi quelque chose qu'on recherche de la part des élèves, c'est de nous donner des tuyaux sur des choses plus contemporaines qui nous échappent un peu parfois. Ça les rend plus actifs dans leur apprentissage, un support qu'ils maîtrisent un peu plus. Oui, ça les rend indéniablement actifs. Alors toute la difficulté c'est que certaines chansons, certaines musiques peuvent déjà leur paraître complètement éloignées de leurs préoccupations, donc il faut trouver un équilibre entre à la fois parler de choses qui sont qui ont un sens aujourd'hui, qui les touchent, qui leur parlent, et en même temps leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaîtraient pas. D'accord, vous connaissez donc depuis longtemps. Ce projet de réaliser un livre autour des chansons militantes, c'est un projet qui est né sur une proposition que vous a faite. C'est une idée que l'un d'entre vous a eue à un moment donné, c'est venu tout doucement. Mais en fait, le blog devenant un site, je dirais, repéré dans le paysage, notamment enseignant, on s'est demandé à un moment donné si ce serait pas intéressant d'en faire un livre, notamment à destination des collègues qui fréquentent pas forcément de façon régulière les internets, on va dire. Et on s'est tourné vers des éditeurs scolaires dans un premier temps qui n'ont pas adhéré à notre proposition. Et puis, on a croisé la route très récemment des éditions du Détour par l'entremise de Mathilde Arrère. Et eux ont été immédiatement emballés par le projet. Et le livre est né de cette rencontre-là. Quoi. D'accord, vous aviez déjà un choix précis de texte au départ, j'imagine. On pense à la Marseillaise qui paraît le texte emblématique. Alors, en fait, quand on était parti démarcher les éditeurs scolaires, on n'avait pas de problématique à proprement parler. Et ça a été l'apport des éditions du Détour, donc de Juliette et Mathieu et Bernard, de nous aiguiller sur la thématique des chants de lutte. Ensuite, il a fallu évidemment sélectionner 24, donc il y a eu des choix assez cornéliens. Dans ce qui est rentré en ligne de compte dans les choix, c'est de proposer un certain nombre d'incontournables, parce que c'est toujours intéressant de faire le point sur ce qu'on sait, sur le chemin de ces chansons, parce qu'effectivement la Marseillaise c'est quelque chose qui pourrait sembler très patrimonialisé, un peu réfrigéré, voilà. Mais en fait on sait très bien que au contraire c'est un objet extrêmement chaud, que dans les stades de foot quand on la siffle ça crée des polémiques, etc. etc. Que quand Gainsbourg la remet à la sauce reggae ça en crée une autre. Donc on avait le souci de retrouver donc un répertoire, je dirais, assez attendu, la Marseillaise, l'internationale, là, là. On avait aussi le souci de toucher un espèce de spectre assez, je dirais, assez large, assez dilaté de chants et de répertoires de lutte, donc des chants féministes, des chants d'émancipation des Africains-Américains ou des populations afrodescendantes, des choses comme ça. Du pacifisme aussi, donc de tisser ces thématiques-là, et en même temps de balayer aussi un large spectre chronologique allant donc de ce qu'on les historiens définissent comme la période contemporaine de 1789 à nos jours. Voilà. C'est ça, donc de partir d'incontournable et puis petit à petit d'élargir avec chacun ses sensibilités. Oui, c'est-à-dire que cette idée-là de voilà, on est tous les quatre. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Alors ça veut pas dire qu'on traite que des choses qu'on apprécie, que ça soit sur le plan musical ou sur le plan du contenu. C'est vrai que ce projet-là, il a été affiné avec l'éditeur, et c'est vrai que on est parti clairement dans une chanson de lutte et de protestation. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir des styles différents, en particulier voilà, bon, plutôt pour le 20e siècle. Le 19e siècle c'est encore autre chose, mais on a par exemple un morceau d'opéra, on a des spirituals, des chansons populaires, et puis au 20e siècle on essaye de suivre un petit peu aussi ces différents styles. Après voilà, ces 24 là, elles sont le fruit de toute cette réflexion. Il y a aussi les obligations qu'on a, en particulier en termes de droits d'auteur, d'utilisation de chansons récentes qui ont pu nous restreindre à un moment donné. Donc là, on a au moins autant de chansons du 19e siècle que de chansons du 20e siècle et quelques-unes du 21e siècle aussi, parce que c'est plus facile d'obtenir les autorisations pour des chansons plus anciennes, évidemment. Alors, parmi ces 24 chants, c'est vrai que on voit bien que la chanson devient politique quand le peuple s'en empare. Donc il y a différents types de chants, il y a les chansons qui ont été écrites pour une occasion particulière, bon, les strophes, comme la Marseillaise par exemple, restent figées et restent fixées, même si elles peuvent être réadaptées au fil du temps. Et puis il y a des chants de lutte qui viennent d'un fond populaire beaucoup plus ancien et qui ont été remaniés au fil du temps. Alors oui, alors c'est sûr que il y a plusieurs cas de figure, effectivement. Il y a des chansons qui a priori paraissent anodines par leurs paroles. Je pense au temps des cerises en particulier, qui est considérée de fait comme un hymne de la commune, ou en tout cas une chanson étroitement associée à la commune de Paris, alors qu'elle est écrite quelques années avant par Jean-Baptiste Clément pour la partie pour les paroles. Donc en fait il peut y avoir aussi comme vous le disiez, il y a la manière dont le peuple ou dont les personnes en lutte vont s'emparer d'un chant, d'un air, de paroles, parce que ces paroles permettent de faire passer des messages aussi. Hein. Le propre de ces chansons, c'est que parfois elles sont nées dans un contexte où il n'y a pas d'autre moyen possible de faire passer des messages. Hein. Donc on n'a pas le droit pendant les années 1870, on n'a pas le droit de faire l'apologie de la commune pour des raisons évidentes. Donc on peut chanter lors des funérailles d'un ancien communard, on peut chanter ce chant-là qui ne dit rien, mais qui parle quand même, le message est clair. De même que dans Go Down Moses, par exemple, on peut pas chanter la liberté, les esclaves ne peuvent pas chanter la liberté, mais ils peuvent reprendre certains passages de la Bible de leur maître et en détourner le sens en s'identifiant aux Hébreux prisonniers des Égyptiens. Voilà, donc on a cette possibilité là finalement, ça donne des moyens d'action aux personnes, aux groupes qui sont en lutte. Ça leur permet de trouver un passage vers l'expression de ces revendications. Oui, on a l'impression que ça fait exister vraiment un groupe à partir du moment où il a son hymne, finalement. Qu'est-ce que vous diriez pour qu'une chanson devienne un hymne, pour qu'elle passe de la chanson populaire au statut d'hymne? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il y a plein de critères. Bon, moi, j'ai fait la notice sur la chanson des Canuts, qu'on associe à la lutte des Canuts. En fait, la chanson a été écrite de façon bien postérieure, en 1894, si ma mémoire est bonne, à la faveur de l'exposition universelle de Lyon. Et en fait, ce qui fait prendre la sauce, c'est l'endroit dans lequel elle est chantée, c'est-à-dire l'exposition universelle, donc un endroit où il y a beaucoup de public, et le fait que ce soit le chansonnier très populaire Aristide Bruand de l'époque, qui en fait se charge à travers ce texte de fixer la mémoire de la lutte des Canuts dans le paysage chansonnier culturel de l'époque. Donc ça peut être un cheminement. Du coup, j'ai oublié le début de la question. C'est la question de ce qui devient, comment on devient un hymne finalement. Bon, je pense qu'il faut que ce soit quand même dans des moments historiques où il y a on est dans un moment des possibles, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas travaillé sur tous les morceaux, mais toi qui as travaillé sur Vapensiero, par exemple, voilà, c'est des moments où il y a des... Ou sur, par exemple, la chanson de Craon, l'année 17, c'est l'année du tournant de la guerre. Il y a beaucoup d'événements qui viennent briser cette espèce d'enlisement au front. Et là, l'ouverture des possibles fait que cette chanson de Craon, elle prend toute sa puissance, son message pacifiste, son message de refus de guerre prend toute son ampleur parce qu'on est à ce moment particulier. Donc voilà, le contexte, l'intentionnalité, ça fait partie des choses qui vont peser sur l'hymne. Et je pense qu'on pourrait, pour prolonger ce que dit Véronique, on peut presque dire que en fait une chanson devient un hymne à partir du moment où elle échappe à son créateur l'utilisation, les usages qui sont faits de la chanson ou enfin quelle que soit la forme, n'appartient plus à son créateur et devient complètement indépendante de ses intentions même. Vapensiero, c'est un peu ça. Finalement, on n'est pas tellement sûr que Verdi était animé d'intention patriotique très claire, en tout cas au moment où il le fait. D'ailleurs, le Nabucco, l'opéra dont il est issu, est joué à Vienne, qui est censé être l'oppresseur. Donc ça veut dire que le message n'est pas très clair pour tout le monde, et finalement, les gens s'en emparent. Les gens s'en emparent, se l'approprient, vont au besoin modifier des paroles, créer des couplets supplémentaires, transformer éventuellement la forme comme le contenu. Et là, on est face à un hymne. Après, et ça rejoint ce qu'on disait au début aussi sur le fait que voilà, on a des classiques et d'autres qui ne sont pas devenus. Donc on a aussi certaines chansons qui portent des mémoires très, très souterraines, en fait. Et c'est une manière, pour ces mémoires de continuer à exister. Et puis après, on est aussi face à... Je pense qu'écrire une chanson au 19e siècle, écrire une chanson aujourd'hui, avec une espèce d'émiettement complet, quelqu'un qui écoute tel genre de musique ou telle musique, il ne va pas forcément connaître le reste. Donc finalement, beaucoup de ces chansons, pour les plus récentes peut-être, restent des chansons qui touchent un public bien spécifique, mais qui est bien récent. Je sais pas, Kenny Arcana par exemple, je suis pas sûr que ça toucherait un public en col roulé par exemple, un public très très très bourgeois et qui n'aurait pas conscience de ces luttes qui pour lesquelles ils ne se sentent pas concernés. Dans les hymnes très récents, alors c'est pareil, c'est pas une notice, c'est une notice qu'a faite Julien Blottière, un des co-auteurs du livre, qui correspond très exactement à ce que disait Étienne, c'est la chanson Porcherie des Béreux. Puisqu'en fait, c'est devenu un hymne à partir du moment où la fameuse phrase « La jeunesse emmerde le Front National » a été scandée et a été scandée dans des manifestations. Et en fait, ce refrain, cette scansion, elle ne fait pas partie du texte d'origine. En fait, elle a été introduite lors de la performance des Beru, lors de leur concert de séparation à l'Olympia à la fin des années 80. Et le public s'est mis à reprendre ce truc. Et du coup, c'est devenu une partie intégrante de la chanson, alors qu'au départ, ça n'était pas présent. Et c'est quand même ces quelques vers qui sont partagés au-delà des gens qui écoutent les Beru ou qui connaissent la chanson. Si on dit Berrurier Noir, des fois les gens connaissent pas le titre de la chanson, même Porcherie, mais par contre ils savent la jeunesse en mer de Front National, ils savent. Voilà. Donc là, typiquement, effectivement, il y a... C'est un exemple de réappropriation. Oui, et puis la chanson, elle a sa vie propre, en fait, au bout d'un moment, quoi. Et peut-être juste pour ajouter aussi sur cette dimension-là, peut-être que finalement, le vrai succès d'une chanson qui devient un hymne, le moment, il y a un moment de basculement aussi où cette chanson, où cet hymne échappe tellement à son point de départ que ça devient un objet commercial. Et on a l'exemple de Bella Ciao qui est devenu, qui est devenu tellement mainstream que ça a perdu aux yeux des gens. L'idée originale, elle a été essorée, lessivée, et on a perdu le sens originel. Donc ça, c'est malheureusement aussi ce que fait le succès à une chanson. Oui, et alors quand il s'agit de travailler sur des chansons du XXe siècle ou même de la fin du XIXe, il y a déjà des enregistrements où il y a plus de traces écrites, en tout cas, mais des chansons, comme vous dites tout à l'heure, qui ont une histoire plus souterraine, qui remonte à plus longtemps. De quel matériau vous disposiez pour retrouver l'histoire de cette chanson, la chronologie complète? Alors ça, c'est très inégal et parfois, pour prendre un exemple, la chanson Le départ des Poissards de Paris pour Versailles, qui est une chanson là pour le coup pas du tout connue, en tout cas qui n'a pas passé le temps, alors on a une indication de l'air qui est utilisé. Hein, donc en général, ces chansons révolutionnaires, elles sont il y a les paroles et puis on met sur l'air de. Donc là c'est sur l'air de V'là l'oignon. Et en fait, on a perdu l'air de départ. Hein. J'ai cherché, donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai que là, on n'a plus aucune possibilité en fait, de retrouver la mélodie ou l'air d'origine. Alors peut-être que, peut-être qu'il y aurait cette possibilité en faisant vraiment des recherches intensives et approfondies. Voilà, ce qu'on a. Notre but, c'était pas non plus de faire pour chacune de ces chansons une recherche méthodique et complète de toutes les sources. On est parti d'une matière qui était avant tout les paroles, et puis on a introduit des éléments musicaux. Donc il faudrait creuser cette question sur cette chanson Le départ des Poissards de Paris pour Versailles, de voir sans doute il y a des musicologues qui pourraient nous aider sur quand on dit V'là l'oignon au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on chante, mais après la musicologie justement elle se heurte à certains obstacles de ce type là pour les siècles plus anciens où on a perdu la trace de la mélodie où les mélodies ont pu éventuellement évoluer, donc ça c'est un des exemples. Pour les autres, c'est sans doute plus facile parce que ce sont des chansons qui ont passé le temps, mais sans doute la musique a évolué aussi. Je pense à Godard Moses qui a un chant plutôt clandestin chanté pas forcément avec des instruments parce que justement ça, c'est dans des assemblées qui sont pas censées être publiques, et puis en fait à partir du moment où l'esclavage se termine ce sont des chorales d'université qui vont être amenées à le chanter, puis ensuite c'est repris par des musiciens, donc en fait l'orchestration elle-même change, la manière dont on le... là aussi on perd quelque part le sens le sens que ça avait au 19e siècle, donc la forme elle-même peut évoluer. Votre regret se conclut par une chanson très récente qui est celle d'Angèle, Balance ton poids, qui fait écho clairement au contexte de Me Too, qui a été écrite en plein de ce contexte, en recul, et qui a fait un peu, oui, qui a eu un effet, qui a eu l'effet du petit pont, cette chanson. Pour vous aujourd'hui, dans la chanson actuelle, est-ce que c'est encore possible d'avoir des équivalents de chansons aussi fortes qui peuvent soulever des foules comme ça a pu l'être dans des chansons plus anciennes? Quel genre aujourd'hui c'est plus à même de susciter, de soulever les foules? C'est imprévisible. Si vous vous promenez dans les manifs de lutte de la réforme des retraites actuellement, il y a en fait c'est pas forcément des chansons, je dirais, établis et fixés dans leurs textes, mais en fait, dans les manifs actuellement, il y a plein de chansons très populaires qui vont du répertoire de la variété à des répertoires beaucoup plus militants, qui sont scandés dans les manifestations, qui sont parfois transformés. Voilà, on fait des adaptations en fonction du. On change le texte à cause de la lutte qui est en cours. Bon, ça, actuellement, c'est la réforme des retraites, etc. Et finalement, il y a des hymnes aussi qui se créent de toutes pièces à l'occasion de ces luttes. Donc, bon, peu importe que ça fasse partie d'une chanson avec un titre, un interprète identifié, ou que ce soit une réinterprétation, que ce soit une pure création au moment de. Voilà, la chanson accompagne, c'est quelque chose qui, quand même, a tendance à emporter, à créer du collectif, à créer des solidarités. C'est aussi quelque chose qu'on peut partager parce qu'il y a l'oralité, ça se transmet facilement. Ce matin, il y avait la chorale qui jouait là. Ils avaient juste déposé leur petit carnet de chansons. Et en fait, les gens s'asseyaient pour les écouter chanter. Ils attrapaient le carnet, puis ils regardaient en même temps. Et puis, il y a des gens, enfin, l'hymne des femmes, il a été chanté de façon très chorale avec le public. Voilà. Donc, ça fonctionne assez bien comme sans règles prédéfinies finalement. Voilà. Peut-être la difficulté aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a voilà, il y a aussi c'est très cloisonné parfois, et puis il peut y avoir aussi, mais ça c'est pas nouveau, il peut y avoir aussi des chansons qui parlent à une génération plutôt qu'à une autre. Voilà, peut-être que pour répondre à votre question, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir des choses qui parlent à toutes les générations, même si en fait on le retrouve quand même sur certains exemples de chansons qui ont franchi le temps. Mais c'est vrai que ça devient, c'est ça qui est peut-être aussi un enjeu, c'est que pour parler de genres musicaux, voilà, le rap aujourd'hui est devenu plutôt mainstream, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc sans doute la forme rap maintenant va parler plus largement dans la société, alors que je sais pas, Fight the Power, qui est une des chansons qu'on étudie qui date de 89, bah, ça parlait à un public bien particulier. Maintenant, un artiste qui utiliserait le rap, il s'adresserait à une partie plus large de la population, forcément, parce que le rap est un peu sorti de cette niche qui était la sienne auparavant. Mais après, chez les jeunes générations, il y a des connaissances de parties de chansons, etc., qui sont pas forcément identifiées comme étant faisant partie d'un patrimoine de lutte, militant, etc., mais qui circulent de façon très parcellaire, sans que la généalogie soit tout à fait... Et inversement, je pense que chez les personnes de nos âges, par exemple, des quinquas, on reprend des morceaux de musique ou des petits bouts comme ça de chance beaucoup plus jeune parce qu'on n'a pas tous les éléments, et puis finalement ça finit par faire un espèce de puzzle qui permet quand même de donner des choses dans l'espace militant, quoi. Est-ce que un volume 2 est envisagé? Est-ce qu'il y aurait matière à... Alors, s'il y a un volume 2, alors ça c'est un peu notre... En tout cas, on en discute. Là, on est parti très à gauche sur ces champs de lutte, donc on se dit pourquoi pas explorer d'autres territoires politiques, mais ce qu'on fait un peu d'ailleurs sur le blog, c'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est justement de mettre une chanson dans son contexte et de travailler sur un matériau qui, a priori, défend plutôt l'ordre établi ou défend plutôt un certain conservatisme ou une certaine vision de l'histoire. Ça, c'est des choses qui nous intéressent, qu'on explore déjà beaucoup, je sais pas, en particulier sur la guerre d'Algérie, par exemple, quand on a pas mal de chansons sur la guerre d'Algérie, donc évidemment, on étudie des chansons de l'époque écrites par des Algériens contre la guerre, des chansons plus récentes, je pense à Médine, Alger pleure, par exemple, mais aussi des chansons écrites au moment de la guerre ou après la guerre, plutôt défenseurs de l'Algérie française. Donc tout ça, c'est des choses qui, évidemment, C'est peut-être des chansons qui ont moins bien passé le temps, hein, et je pense qu'on pourrait faire aussi le parallèle sur la guerre du Vietnam, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se souvient des chansons contre la guerre du Vietnam, mais il y avait aussi à l'époque aux États-Unis des chansons qui défendaient l'engagement des soldats. Donc voilà, nous c'est des choses qui nous intéressent aussi d'explorer aussi cette question d'autres visions, parce que les chansons et celles et ceux qui les écrivent reflètent aussi la diversité de la société. Donc faut qu'on discute de ça et voir comment, dans quelle direction on peut aller ensuite. Là, c'est vrai qu'on est parti sur, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on avait un espèce de cahier des charges au départ, voilà, qui nous a permis de déterminer nos 24 chansons. Mais si on regarde, par exemple, les luttes d'Amérique du Sud sont très peu présentes, par exemple, dans le volume, ce qui est dommage. Voilà, donc ça peut être aussi, une ouverture intéressante, ou alors d'aller croiser. On discutait au détour, il y a François Darrocha-Carnero qui publie sur le foot. C'est intéressant aussi d'aller chercher des choses qui font dialoguer les différentes formes de culture populaire pour travailler. Ça peut donner lieu. Les stats sont des lieux de créativité musicale très importante et qui peuvent être aussi des vecteurs. Une des chansons qu'étudie Julien, c'est la Casa del Mouradia aussi, donc qui a circulé entre l'Espagne, la France, l'Algérie, et qui permet de faire passer des messages là aussi dans un pays où c'est compliqué d'exprimer des choses dans la rue. Mmh. Donc la rue, le stade sont évidemment des lieux intéressants, et c'est vrai que il me semble que par exemple sur l'IGEOBOX, toi tu avais fait un article sur l'hymne de Liverpool. Oui. Donc c'est des choses aussi qui nous intéressent. Et les corons. Et les corons. Et les corons qui est devenu, qui a eu un cheminement qu'on entend chanter au Stade Bollard, quoi. Voilà, mais bon, sinon on fera un volume 2 que des chansons de droite. Hein. on assiste avec impatience l'année prochaine peut-être. Bah voilà, 1er mai 2024.